La cave, épisode 23, Perfect Blue. Bienvenue à la cave. Oh, il va bien. Le podcast qui retourne dans le passé pour mieux aller de l'avant. Ça, c'est vrai, ça. Alors, bonjour, Jake Dion. Bonjour, Dominique Carrier. Bonne année, tout le monde. Bonne année. C'est-tu le premier podcast de l'année qu'on fait? Oui, c'est notre épisode de janvier qui sort quelques jours après janvier. Ouais, mais c'est hot pareil parce que notre premier épisode est quand même enregistré le premier mois. Oui, oui, on a tenu promesse, tenu rigueur. Voilà. Rigueur! Tu as eu un bon temps des fêtes, toi? Ouais, c'était cool. Pour vrai, c'était super cool. J'ai été chez mes beaux-parents. Puis mes beaux-parents sont vraiment nice. Fait que... fait que c'était le fun. Puis on a ri. Puis j'ai eu un beau cadeau. J'ai eu deux beaux cadeaux. En fait, un que je vais peut-être... Je pourrais peut-être en parler, là. C'est qu'en gros, ben le cadeau que mes beaux-parents m'ont offert, c'est un clavier. Fait que c'est malade, c'est un clavier, c'est un petit... L'instrument de musique, oui, un clavier... Exactement, un clavier pour jouer du piano, parce que je lui ai dit que ça me tentait de faire ça, puis okay. Il m'a offert ça, fait que c'est quand même fucking hot comme cadeau. Oui. Puis ma blonde, elle m'a offert un atelier d'écriture. Fait que... Tu veux me remplacer? Oui, parce que... Mais non, t'es irremplaçable. Mais non, parce que en 2020, c'est ça, un de mes objectifs, c'est d'écrire un long récit. J'ai souvent écrit des shorts, mais je mets des longs. Mm-hmm. Puis je trouve que je suis rendu là, ça me tente. Puis, un bon défi, là. Ouais, c'est un assez bon défi. Puis le pire, c'est que ça m'intéresse. T'sais, je le fais pas par obligation, je le fais parce que ça me tente. Puis je pense que si je suis assez chanceux puis je continue à faire de la BD toute ma vie, je vais toujours continuer à collaborer avec du monde, mais de savoir que t'es capable d'écrire toi-même tes propres histoires, c'est quelque chose qui est important pour moi. Ouais, puis t'améliorer dans le processus. Ouais. Exact, puis c'était la semaine passée, puis c'était un exercice super le fun, en fait. On était comme dans un café, puis c'était une prof qui donne ça, puis bizarrement, j'ai plus appris... C'est comme un genre de cause adulte ouvert à tout le monde qui est intéressé. Ouais, puis tu sais, ma blonde, elle m'avait averti, elle était comme là, prends pas ça trop au sérieux. C'était plus pour qu'on fasse une activité ensemble, mais ça a l'air pas mal ma tante. Puis on est arrivé là, puis c'était comme cinq vieilles ma tante. Puis moi, ma blonde. Puis c'était super hot quand même. Puis c'était zéro. Puis tu sais, moi je pense que aussitôt que peu importe t'es qui, aussitôt que tu t'intéresses à la créativité, puis que tu sors de ton chemin puis pour te trouver des ateliers pour créer puis pour écrire, ouais, ben t'as déjà un mindset déjà pas mal plus ouvert d'esprit. Fait que là, ils voyaient bien... Les gens qui vont là vont pas là pour faire chier le monde. Ben, c'est ça. Fait que là, tu sais, les matantes, là, ils trouvaient ça bien drôle que moi, genre, j'étais comme le dark. Moi, je faisais juste des histoires d'apocalypse où tout le monde était mort. Puis ça m'a... Tu sais, c'est... En fait, ça te fait prendre un recul sur ce que c'est le storytelling, parce que évidemment, eux parlaient de thématiques que moi, j'aurais jamais approchées. T'sais. Là, excusez, là, c'est une longue intro, mais c'est vrai, on passe à travers. C'est aussi ça, la cave. Hein, fuck you. Puis, Ben non, on vous aime. OK, c'est pas moi. Pas toi, ben non, okay, pas toi. Okay. Mais justement, le reste du groupe, les dames, c'était quoi leur type d'histoire? Ben c'est ça, c'était, tu sais, tous des trucs qui, moi, m'auraient jamais... T'sais, j'aurais jamais pu écrire un enfant de même. Fait que t'sais, c'est des trucs sur, mettons, leurs petits-enfants ou des trucs sur, t'sais... Plus près de leur réalité. Là. Ouais, exactement. Moins de robots dans l'espace. Exactement. Ouais. Sauf que tu voyais quand même l'intention de la structure, l'intention du personnage, du conflit. T'sais, les règles de base du storytelling s'appliquent pour n'importe quel... type d'histoire. Okay. J'imagine celle qui donnait le cours avait partagé ces bases-là ou donné une espèce de cadre. Ouais, mais il y avait beaucoup de monde que c'était leur premier cours aussi. Okay. Fait qu'il y avait peut-être, je pense, j'imagine 6 ou 7, puis il y en avait 2 qui étaient des habitués, puis les autres étaient pas mal nouveaux. Mm-hmm. Fait que c'était super intéressant, puis En fait, tu sais, ça a duré peut-être 2-3 heures. Puis on a tous écrit une courte histoire à travers ce temps-là. Puis ensuite, vous les lisez, vous les partagez. Et c'est ça que moi, je savais pas. Fait que là, okay. Je l'écris, puis là, je suis comme, OK, je me laisse aller, let's go. Puis là, après, peut-être, je sais pas, comme 45 minutes d'écriture, elle dit, OK, là, c'est le moment qu'on lise à voix haute chacun notre histoire. Puis là, j'étais comme, tabarnak, tu vas pas me faire ça, si. Puis là, la madame d'à côté de moi, elle commence, puis c'est l'histoire de sa petite fille qui veut des biscuits, puis qu'elle elle essaie de voler les biscuits sans que sa mère s'en aperçoive, puis ça finit que sa mère, elle l'appelle, puis la choke, puis là, moi, je venais d'écrire sur l'apocalypse, puis tout le monde était mort, puis c'était fou l'inspiré de Death Stranding, en fait. Tu y vas après, là. Puis là, c'était moi tout de suite après, puis là, j'étais comme, OK, oh, fuck. Puis fait que là, j'ai été comme obligé, puis là, ça paraissait que j'étais nerveux. J'étais obligé d'exprimer à la classe avant que j'étais pas une mauvaise personne. T'as déjà fait ça dans des événements où tu présentais ton travail, que t'es pas psychotique, pis t'as pas... Non, c'est ça. Ben, en même temps, c'est que de un... Mais je pense que c'est bien, parce que ça brise l'espèce de moule que tu dis, les matantes vont tout écrire l'histoire de tricot, pis toi, tu vas écrire l'histoire de robot, pis non, ça te déstigmatise. C'est ça. Pis aussi, c'est préjugé, là. Pis aussi, c'est que ça fait rire, parce qu'à chaque fois que je le dis un peu en riant, mm-hmm. Puis aussi, ça dédramatise et ça l'enlève les... Comment je pourrais dire? Genre, ils s'attendent à quelque chose de tellement pire que finalement, quand je le lis, ils sont comme « Ah, c'était cute, dans le fond. » Parce que je suis comme « Là, je suis pas un psychopathe. » Là. Bon, ça m'arrive des fois de rêver que je tue des gens, mais tout le monde aussi autour de la table a déjà vécu ça. Pis... Fait que tu sais, bref, j'ai lu mon histoire puis c'est drôle parce que j'ai... Ben là, on dirait que j'ai beaucoup de choses à te dire, mais c'est parce que ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. J'ai un plan d'organiser un 24 heures de BD. Ah ouais, ça fait longtemps que tu l'as fait, toi? Ah oui, ça fait des années. Puis puis là, c'est drôle parce que juste avec cet exercice-là, je suis comme, hey, j'aurais été capable de partir une BD après. Tu sais, genre, j'aurais été capable de genre faire 24 pages avec juste ce que j'ai écrit. Ton scénario. Ouais. Pas des scénarios des autres. C'est ça. Puis tu sais, ce que j'ai écrit en quoi? Une demi-heure, mettons. Mm-hmm. J'ai dit 45 minutes environ, là, mais. Non, mais l'effet de groupe pis de foule, c'est bon. J'avais des cours à l'université de littérature pis on avait un cours de creative writing pis c'était ça, c'était des petites sessions pis moi, c'était carrément mon je trippais bien raide, là. Tandis que la plupart des autres étudiants, c'était toute la gang qui était l'enseignement de l'anglais, fait qu'eux autres, c'était moins leur truc, là. Mm-hmm. Ouais. Ça m'a permis d'accrocher puis de développer ça, là. Puis ce qui est le fun, c'est surtout de casser l'espèce de barrière de la pression de il faut que ce soit bon. Parce que tu sais que tu pourras pas écrire un chef-d'œuvre en ça te force à produire. Mais c'est ça, c'est que ça te force à juste, comme, activer ton cerveau puis écrire. Ça te force, entre guillemets, à l'échec, pas à l'échec comme condamné, mais que tu produis quelque chose. Exact. Puis tu te plantes, c'est bon, tu te plantes. C'est ça. Puis juste de le dire à voix haute ou de le partager, de faire dans ce contexte-là, ben ça doit être très... Puis juste après l'exercice, ce que je trouvais fascinant, c'est que tout le monde autour de la table, de un, la prof, même les feedbacks qu'elle a donné, genre, venait pas, là, comment qu'elle était précise et bonne. Puis tout le monde, on aurait pu, genre, travailler une semaine sur notre histoire. Ouais. On savait exactement genre quoi améliorer, quoi genre tasser, quoi enlever. Fait que tu sais, de se lancer, de se pitcher dans le vide de même, là, je le conseille à n'importe qui veut faire de quoi de créatif, que ce soit visuel ou de l'écriture ou whatever, là. Inscrivez-vous à une session de groupe ou donnez-vous un objectif personnel de genre juste produire de quoi en dedans de très peu de temps. Puis c'est très gratifiant, ça. Puis on s'est senti tellement bien après ça. Moi, ma blonde, j'étais comme, c'est le plus beau cadeau que t'aurais pu me faire. T'sais, on trippe au bout, on a fait ça ensemble, puis en tout cas, bref. Ça revient un peu au même sentiment d'Inktober, là. Tu te mets dans des zones inconfortables pour essayer de produire quelque chose, mais tu prends la main, puis tu continues. Toi, tu serais-tu game de faire un 24 heures de BD? Je l'ai jamais fait. J'ai déjà fait des 24 heures des nuits blanches dans le temps, mais je pensais plus l'aspect comme physique ou gestion d'énergie. Mais mettons que c'est toi qui le dessines toi-même. Là. C'est toi qui le dessines. OK, c'est mon projet tout seul. C'est ton projet tout seul. Là. Parce que... Je fais des siestes, je pense. Mais de un, moi, c'est ça que dans celui que je vais organiser, je vais probablement l'organiser avec quelqu'un d'autre, mais je veux pas nommer la personne parce que je veux pas la mettre en the spot, là. On parle de quelque chose qui va être probablement vers la fin de l'année ou l'année prochaine, je sais pas quand. Mais c'est de désacrilégier ça. Désacriléger ça. En tout cas, enlever la pression qu'il y a autour du 24-hour comic en expliquant que il y a trois manières de faire ça. Évidemment, l'objectif de base, c'est 24 pages de BD en 24 heures. Ça, c'est la base. Mais après ça, si ça tente d'être là 24 heures, puis tu fais juste 12 pages, c'est correct aussi. Puis, si tu fais 24 pages, mais sur plus que 24 heures en plusieurs shots, c'est correct aussi. Puis si t'arrives, tu fais 24 pages, puis t'as fait ça en bonhomme allumette, puis après 6 heures, t'es tanné, puis tu veux rentrer chez vous, c'est correct aussi. Il y a pas de... C'est ça. Puis c'est parce que j'ai vu trop souvent des gens qui osaient pas se lancer dans cet exercice-là à cause qu'ils avaient peur. Puis tu sais, comme, de un, il y a zéro argent. Il y a juste... toi qui payes avec ton temps puis ton sommeil. C'est ça, c'est l'aventure puis la création. Mais, exact. Mais il y a aussi le cadre ou le thème imposé, que je pense que certains respectent ou certains ont la liberté de pas respecter, mais il me semble que c'est assez pointu. Ben, c'est ça, je me rappelle que, tu sais, comme il y a une année que le thème, c'était comme des le images, compte Instagram puis, de quelqu'un, pis fallait genre inclure 120 photos, pis là, t'es comme ça, moi, ça me ferait chier. En même temps, s'il y a des gens, parce que je comprends aussi que des fois, la carte blanche, ça peut être plus bloqué que de... Puis d'ailleurs, pour notre histoire, ce qui était hot à notre atelier d'écriture, c'est qu'on avait un point de départ. Elle nous a lié un livre. C'était comme un livre illustré, là, genre un picture book. Puis elle nous a dit « Faites votre version de ça. » Ah, OK. Fait que c'est ça qui était hot, c'est que moi j'étais allé avec la petite fille à voix des morts puis dans un monde post-apo, mais c'était sensiblement le même point de base pour tout le monde. Fait que des fois c'est des réinterprétations. Exact. Ouais. Fait que des fois ça peut aider de faire comme OK, tu sais. Ouais, c'est bons exercices. Ouais. Donc ben, c'est voilà. Bien puis tu sais c'est ça, t'as parlé de projet parce que souvent c'est comme la fin d'année puis les résolutions puis il faut que je fasse ça, mais quand tu le vois comme projet ou comme activité ou but que tu veux réaliser plutôt que faut que j'arrête de faire telle affaire, faut que c'est l'approche est plus intéressante. Ben oui, mais ça. Puis en tout cas, bref, soyez créatifs. Bonne année. On a-tu dit notre sujet de l'épisode ou même pas? Je pense qu'on l'a pas dit. Dis-toi. Tu sais, imagine le gars qui a écouté les deux derniers puis qui dit aux ses amis, écoute ça, c'est fou là, puis les, voyons, on parle d'atelier de dessin. Ah quoi. Non, c'est ça. Ouais. Mais notre podcast, il est fait... S'excuse pas. Non, puis il est fait pour nos amis. Puis si on se connaît pas c'est personnellement, tu sais, vous l'écoutez parce que vous avez l'impression d'écouter deux chums, là. C'est pas un show d'information ou de... C'est une discussion de salon portatif. Exactement, voilà. C'est le même que moi je le vois. Voilà. Donc aujourd'hui, premier épisode de 2020. Ouais. On parlait du film Perfect Blue. Parce que c'était pas assez élevé le dernier épisode. Donc on veut parler de Perfect Blue, mais comme... Film de Satoshi Kon. Ouais, mais avant, j'aimerais partager un coup de cœur. OK, Mazan, vas-y. Parce que à la fin... tout juste avant la période des fêtes, je me suis enfin procuré sur le tard un PS4. J'étais sur PS3 depuis belle lurette, puis j'ai acheté quelques jeux, mais j'ai principalement joué à deux depuis que j'ai le système, donc le Mortal Kombat X, la version modifiée Excel, c'est pas celui qui vient de sortir le 11, mais l'autre, qui est très très profond, qui est très puissant au-delà du gore, puis tout, c'est... Le jeu est très bien, riche, très très intimidant. Puis l'autre jeu qui est une super belle surprise, c'est The Messenger. Ah, le Ninja Gaiden québécois. Oui, voilà. Donc c'est un studio québécois. Il est sur PlayStation 4. Oui, je pense qu'il est sorti sur PC Switch, puis ensuite il a été sur PS4. Okay. Je voulais l'acheter à l'époque, puis il n'était pas disponible le PSN Store, mais... Fait que non, ça a été carrément une révélation. C'est comme, tu l'as dit, comme Ninja Gaiden, un peu comme Shovel Knight, esthétique genre 8 bits, mais comme amplifié avec les systèmes d'aujourd'hui. Ouais. Fait que dès le départ, tu comme plusieurs jeux, tu peux choisir ta langue et t'as français, puis tu peux même le mettre en québécois. Fait ouais. que ça, tu vois qu'il y a, c'est ça, qu'il y a de la personnalité. Pour moi, c'est sûr je vais le mettre en québécois. Oui, ouais, c'est ça, je l'ai fait, puis c'est vraiment intéressant. C'est-tu vraiment, tu sais, ah ouais, tasse-toi, ou... Ouais, puis de la façon de... Tu sais, il y a des yanks, puis des... Ouais, fait que... C'est drôle, mais au-delà de la façon de parler, tout le texte, le script, c'est super riche puis humoristique. Puis, ouais, ça m'intéresse full le jeu là. C'est ça, fait que c'est classique jeu action plateforme, les contrôles répondent super bien, game design est hallucinant. Là c'est pas vraiment un gâcheux parce qu'on le voit, je pense, dans la bande-annonce, mais dans le fond tu commences esthétique 8-bit NES. Pis t'es comme le messager, puis tu dois porter un parchemin quelque part, hein, quelqu'un quelque part. Puis là, quand tu penses que t'as la fin, tu switch dans le futur. Mm-hmm. Puis là, ça vire en esthétique 16 bits. Mm-hmm. Puis tout le son, ça a vraiment la capacité sonore du Genesis. Hein. Puis à partir de là, ben là, ça vire vraiment Metroidvania, comme les gros axes de Metroid puis Castlevania, puis là, tu sautes de portail en portail pour dire, mettons, ah, là, je vois une espèce de silhouette de porte, là, tu prends le portail, tu vires dans le futur, fait que là, t'accèdes, puis... Malade. Fait qu'il y a eu beaucoup de revirements, il y a eu des moments que j'ai comme crié dans mon salon de joie, puis... Mais c'est ça, c'était ça ma question, parce que le seul petit turn-off que j'ai... avec toute cette mode de nouveau rétro, mm-hmm. c'est que, puis c'est bizarre venant de moi parce que genre j'ai fini toutes les Dark Souls-like, là, mm-hmm. Mais le niveau de difficulté est comment? C'est, je dirais, c'est pas mal parfait, c'est juste correct. Ok. Puis à un moment donné, tu vas prendre des pauses. Ouais. Puis, mais c'est très très très bien balancé. Pis c'est un système que, comme dans Shovel Knight, je pense que si tu meurs, tu recommences au dernier point. Pas, c'est pas des points de sauvegarde. Oui, oui, excuse. C'est des points de sauvegarde, mais comme des genres de checkpoints. Ouais. Fait que t'as pas de vie. T'as pas de trois vies pis des continues. Ça, ça change. Fait que non, c'est très, ça l'accompagne bien. De parce qu'il y a une dizaine d'années, je sais pas si tu te rappelles, il y avait tout ressorti. Ben, en fait, pour ressortir, il avait créé des nouveaux Megaman, Megaman ouais. 9, Megaman 10. Ouais. Ils sont plus durs que les vieux. Ben, c'est ça. C'est puis ça. Là, c'est comme un peu un wink-wink aux fans. Genre, ah ouais, vous ennuyez quand Megaman s'attaque, ben ouais. Là, check ça. Mais c'était tellement tough que genre, j'avais plus de fun, là. Parce que là, j'étais comme, ouais, okay, on pouvait même pas passer un monde. C'est ça, là, ouais. Exact, tu sais. Puis je me rappelle, dans le 10 qu'ils ont sorti un mode easy. Mm-hmm. Puis dans le fond, c'est certains trucs, genre, mettons, certaines moi, plateformes ne disparaissaient pas. Puis il okay. y avait des fois des plaques par-dessus des pics. Okay. Mais c'était sensiblement aussi tough. Mais là, j'étais comme, ah, ça fait chier. Je me suis acheté ces deux jeux-là, puis je les ai jamais finis. Ouais. Je comprends le point. Vous jouez, c'est ça. Vraiment. Là. Exact. Puis, tu sais, je trouve ça hot qu'il ait fait ça, mais... Mm. Avec ma job présentement, puis c'est ça, comme t'as dit, tu mets souvent au mode facile pour pouvoir en profiter puis pas t'embêter. Exact. Ouais. Mais non, je te dirais que c'est une belle courbe de difficulté qui est pas très. Ben juste le fait qu'il y ait des checkpoints pour moi, oui, ça oui. change tout. Oui, oui, oui. Parce que c'est ça qui me décourageait dans Mega Man, en fait. C'est que tu meurs, puis là, tu recommences au début, puis là, c'est ça. Que, ah, puis tu passes une vie, là. C'est ça, tu sais. OK, ben ouais. Je suis content. Puis moi, j'ai suivi un excuse. Puis c'est ça, juste pour finir, t'as différents objectifs dans le jeu, puis tu peux collectionner des espèces de sauts, des genres de crests verts qui sont cachés un peu partout. Fait que pour aller là, c'est des routes un peu plus difficiles. Ça te donne quelque chose au final, mais c'est pas totalement essentiel. Fait que si à un moment donné, après une couple de fois, tu vois que ça marche pas, t'es pas obligé de ramasser les 47. OK. Et c'est ça. Moi, ce qui est drôle, c'est que j'ai suivi un de tes conseils. Une de tes recommandations, en fait, je me suis acheté ça, puis j'ai joué avec ma blonde. Fait que je l'ai enfin fait jouer à quelque chose d'autre que Heroes. Mais tu m'avais conseillé un jeu que je crois qu'il n'est pas nommé avec un goose. Ah, Untitled Goose Game. Ouais, c'est ça, je pense que c'est ce jeu-là. OK, vous avez joué? Non seulement on a joué, on l'a fini. Oh. Et on l'a fini assez rapidement, peut-être en 2-3 shots. Wow. Et on était crampés. Je pense jouer, en fait. Pas vrai. On était crampés tout le long. Au début, ça m'a un peu fait chier parce que je me suis comme rendu compte que c'était pas open world. Non, non, c'est des petits environnements. Puis après ça, tu vas plus. C'est surtout que t'as des objectifs très précis pour accéder. Donc, c'est plus un puzzle game. C'est ça. Mais dans ces petits environnements-là, tu peux, hein, si t'es bloqué ou si tu veux juste déconner, t'es faire ce que tu veux dans les contraintes de l'environnement. Exact, exact. Puis, ce qui est drôle, c'est que ça, c'était comme ma critique à ma blonde et moi. Parce que le jeu, il est quand même court. Hein. Ouais. Fait que là, on était comme, ah, mais ça aurait été le fun, c'est comme plus se promener dans la map, déconner. Mm. Et ensuite, j'ai downloadé Goat Simulator. Que t'avais déjà joué. Je me suis rendu compte que, oui, j'avais déjà joué chez vous, ça brosse. Fait que ouais. Ça compte plus ou moins. Mais ça, c'est moins un jeu qu'Untitled Goose Game. Ben, c'est ça. C'est que là, je me suis rendu compte que, dans le fond, ce que je voulais de Untitled Goose Game, une chance qu'ils n'ont pas fait ça, parce que c'est ça, Goat Simulator, puis c'est vraiment dull. Après 10 minutes, t'es tanné, là. Parce que t'as pas d'objectif, pis t'as pas de but, vraiment. C'est juste de jouer dans l'engin weird, wacky. Ouais. Mais après 10 minutes, t'es comme, OK, j'ai volé sur une trampoline, j'ai fait sauter un hélicoptère, mais whatever. Fait que, bref, okay. Je te le conseille, puis merci pour la recommandation. Okay. On a eu bien du fun à jouer à ça. Parfait. Fait que là, on va enfin parler du sujet. Parler du film. Ben oui, allons-y. Ben, si tu me permets... j'aimerais ça qu'on commence juste avec notre connexion à ce film-là pour qu'on parle de ça à la cave. Mm-hmm. Tu veux-tu commencer? Parce que je pense qu'on l'a découvert en même temps. Comment? Tu te rappelles-tu quand tu l'as écouté pour la première fois? Je sais que c'était dans les premiers DVD que je m'achetais. Ah ok, bon ben c'est peut-être pas ça alors, parce que moi je l'ai vu à Fantasia. T'étais là? Je l'ai vu au grand écran, oui. C'est une sortie de 97, puis il y a eu sa première mondiale à Fantasia en 97. Ouais, ben... C'était là, ici, à Montréal, j'étais comme là, ouais. Fait que j'ai dû descendre pour écouter ça. J'ai aucune idée. Wow. Mais je me rappelle très bien de l'avoir vu en salle, puis je me rappelle très bien aussi de t'en avoir parlé. Toi, tu l'as pas vu en salle, t'es sûr de ça? Sûr. OK, parce que j'étais pas sûr si t'étais avec moi. Mais je me rappelle qu'on en avait parlé ensemble après, puis que je t'avais dit que j'avais été très déçu et que je n'aimais pas Satoshi Kon. Donc là, on va voir dans mon... J'ai vraiment aucun souvenir de ça, c'est bizarre. Ben, on va voir dans notre review tantôt si j'ai changé d'idée ou si j'étais juste un jeune con à l'époque. Mais je devais avoir... c'était en 97, je devais avoir 17 ans, 16-17 là. Fait, mais attends, ça se peut-tu qu'il a été reprojeté après parce que t'as raison que les dates, ça n'a pas de sens. Hein. En 97, j'avais 15-16 ans. Hein. Fait que, tu sais, ouais, moi aussi, je doute que tu... Mais je me rappelle d'avoir vu en salle, ça, je me rappelle, mais c'était peut-être pas Fantasia. Pardon. Non, c'est ça. Ah, tu sais quoi, d'après moi? L'Université, Québec? Non, c'est... parce que je me rappelle, c'était début 2000, en fait. Mm-hmm. Puis ça a dû être... genre un cinéma qui genre le cinéma du parc à l'époque faisait ça, genre ils projetaient des films après leur sortie là, fait que ça a dû être ça. Okay. Je me rappelle vraiment de l'avoir vu sur le grand écran avec une salle pleine. Okay. Puis je me rappelle que j'avais été full déçu. Okay. J'étais comme qui est pas bon Satoshi Kon. On va en reparler tantôt. Fait que toi dans le fond ta découverte c'est en DVD. Oui, je pense que le DVD est sorti en 99-2000, à peu près. OK. Fait que, ouais, je pense que c'était dans les sorties de la compagnie Manga, qui avait sorti Macross Plus, Ninja Scroll et tout. Mm-hmm. Ouais. On fait un recap? Ben, c'est ça, on peut faire un court synopsis, puis après ça, y aller sans trop de barrières, sans respecter la chronologie du film. On va faire des gâcheux, mais on va essayer de vous donner l'eau à la bouche. Ouais. Tu te rappelles-tu du nom du personnage? Oui. Okay. Tu l'aurais écouté depuis le temps que t'avais pas aimé ça. Oui, mais c'est ça. Ouais. Sauf que ça fait quand même une couple de semaines que je l'ai écouté dernièrement. Toi, t'étais prêt, là, Donc, moi, j'étais prêt il y a 3 semaines. Puis là, il a fallu que je me remette dedans un peu parce que c'est un film qui est très... dense. Ouais, puis très... vaporeux là par moment là, fait que j'étais comme attends là, c'est quoi, comment ça finit déjà? OK, oui, c'est bon. Fait que ben tu peux y aller peut-être pour le recap rapide là. Tu te sens-tu prêt à faire ça? Oui, donc Perfect Blue, c'est un thriller psychologique, etc., qui met en scène le personnage central de Mima Kirigoe, qui fait partie d'un groupe qu'on appelle de Idol, de Pop Idol, qui est comme de la pop japonaise avec tout ce qui vient maintenant, c'est vraiment la K-pop qui domine le monde, je pense, mais dans le temps, c'était plus ça. Fait qu'elle était un trio de chanteuses, finalement, elle décide de quitter pour réorienter sa carrière dans le cinéma qu'elle aspire. Puis une série de choses arrivent, puis on dirait que il y a une espèce de psychose qui embarque, il y a des meurtres qui se produisent, puis la ligne est mince entre les différentes réalités qui l'habitent. Voilà, moi je trouve que c'est un parfait résumé. Parce que c'est vrai que t'écoutes ce film-là, puis tu te demandes où c'est que ça s'en va, puis il y a un point, un moment donné, dans le film, vers la moitié du film, que tu comprends, un peu comme on parlait avec Audition, tu te rends compte que okay, cassure, c'est ça, là, ça va casser, puis c'est pas du tout le film que je pensais que c'était. Dès le départ, il donne des pistes, puis la réalisation, le script est vraiment impeccable tout au long du film, même qu'il se permet beaucoup de liberté. Après la dernière prestation de Mima, elle retourne dans l'espèce de Skytrain ou de métro. Puis il y a déjà l'idée, on voit sa réflexion dans la fenêtre, fait que de doublage de personnage. Puis très tôt aussi, les scènes vont couper. Disons, elle se retourne, la caméra est sur son dos. Puis là, son dos se retourne, puis on est dans une autre scène, un autre environnement. Mais ouais, les espèces de flash comme ça, les jump cuts. Elle est en train d'avoir une discussion avec sa mère au téléphone, elle sortait de bord, puis elle est sur un plateau de télé. Là, c'est ça. Là, tu fais « Hein? Quoi? » C'est ça. T'es pas en train de... Hein? Fait que très tôt, on instaure cette idée de désorientation. Ouais, puis moi, ce qui est drôle, c'est que... spoilers, Doom, j'ai changé d'avis sur ce film-là, et je trouve que non seulement Satoshi Kon est un maître, mais que ça, c'est un grand chef-d'œuvre. Ouais. Et je parle pas juste de cinéma d'animation japonaise, ouais, je trouve que c'est un grand chef-d'œuvre cinématographique, point. Ça m'a jeté sur le cul réécouter ça. J'ai trouvé que la réalisation, tu sais, puis l'avais-tu réécouté depuis? Jamais. Ok, fait que c'était 97 ou 2000 puis 2020, ouais, 20 ans. Exact. Puis le pire, ce qui est fucked up, c'est que je me rappelle que j'avais changé d'opinion sans revoir le film. Avec le recul, en lisant des choses. Ouais, pis tu sais, des fois, tu sais, juste, tu laisses un film mijoter pis t'es comme, ah ouais, ça, c'était cool, dans le fond. Ouais. Ah ouais, ça, c'était cool. Pis là, finalement, tu te rends compte que tu te rappelles juste des bons moments pis des bonnes scènes pis que... Honnêtement, je sais pas pourquoi j'avais été déçu à l'époque. Ça m'échappe, là. Peut-être que je m'attendais à un Akira pis je suis tombé là-dessus pis c'est comme, un drame psychologique, fuck that. Ouais. J'ai aucune idée c'était quoi qui me, tu sais, pis l'immaturité aussi, peut-être, là. C'est ça. Mais je trouve que le montage de ce film-là est hallucinant. Puis je me rappelle que dans cette même période-là, j'avais écouté aussi Requiem for a Dream. Puis je t'en avais parlé. Oui, c'est ça. On se rappelle que Perfect Blue, c'est 97 à l'origine. Mais peut-être quand on l'a connu, c'était plus près de 99-2000. Requiem, c'est quoi, 2001? Ouais, exact. C'est vrai. Puis tu m'avais dit, ouais, Darren Aronofsky a été inspiré par Perfect Blue. Il y a des hommages à Perfect Blue là-dedans. Ouais. Puis il y a une scène qui est... C'est identique, là. C'est plan pour plan la même affaire que Requiem for a Dream. C'est ça, qu'il a fait après, puis je pense que c'est... Je pense que, comme on dit, c'est de l'hommage. Oui, c'est lui, il l'a dit publiquement, là, que c'est que Satoshi Kon, c'est un génie, puis que c'était un film qui l'avait full influencé. Oui. Puis quelle belle manière aussi de... Ce qui me fait le plus halluciner de ce film-là, c'est quand tu t'attaques à un sujet aussi intense que la santé mentale, mais aussi encore plus... Il y a clairement un détachement à plusieurs niveaux chez Mima, là. Ouais, puis... Détachement de la réalité, puis de qui elle est... Ouais, puis c'est qu'il s'attaque à ce sujet-là, c'est facile d'être maladroit, puis c'est facile d'avoir un point de vue moralisateur ou un point de vue genre regarder comment que le monde peut être fucké, tu sais. Mm. Tandis qu'ici, on rentre dans sa tête, puis... Ça n'est pas une œuvre de Michel Brûlé. Non. Non, vraiment pas. Puis, on est vraiment comme elle à travers le récit. C'est ça. Dès le début, comme on disait, avec les orientations du montage, ça joue dès le départ, fait que ça prend pas beaucoup de temps qu'on se questionne qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui est pas réel, puis finalement on ne sait pas vraiment, puis c'est ça la force là, c'est la participation de la personne qui regarde le film. Tu sais, on peut émettre nos théories ensemble sur d'après toi c'est quoi, mais c'est ça, comme tu viens de dire, c'est pas ça qui est important, tu sais, de dire ah moi je crois que dans le fond c'est une grande actrice qui avait de l'angoisse ou whatever. Ouais. Moi ce que je trouve le plus intéressant, ça serait plate d'avoir toutes les réponses tout éclairci. Ben ouais, tu sais. Moi, ce que je trouve le plus intéressant, pis ça, je m'en rappelais pas du tout, c'est que il te mène vers tellement de chemin, mm-hmm. Puis à la fin, il fait comme, et voilà, c'est ça qui se passe. Mm-hmm. Puis là, tu fais, ouais, mais ça marche pas. Mais il te livre une finale comme si c'était une conclusion concrète, tu sais. C'est ça. Mais t'es comme, mais ça peut pas être le ça. Le buzz est fini, puis tu fais, pas... Comment je t'arrive ici? C'est ça, ouais. Exact. T'sais, genre, mais ça se peut pas ce que tu me dis. Ouais. Tu sais, c'est comme, comment ça on s'est ramassé en métro? Ah, mais tu te rappelles, tu sais, on allait au dépanneur, puis après ça, on a vu notre chum dans le parc. T'es comme, ouais, mais comment ça qu'on a pris le métro? c'est ce genre de feel-là que je trouve tellement osé, ça prend tellement du guts, puis une confiance de storyteller pour livrer ça aussi impeccablement, ouais. Que ça, là, tu sais, c'est vraiment un tour de force. Sens-tu que le médium de l'animation a rendu ça plus facile à faire ou plus difficile? Ça, c'est une super bonne question, puis je me rappelle que... Je sais que c'est maîtrisé, là, puis personnellement, je trouve que c'est efficace. Puis je me rappelle que quand je l'avais vu quand j'étais kid, une de mes critiques, ça avait été ça, c'était comme, ben, je pense que ce film-là aurait pu se faire en live action, donc... J'étais un peu frustré de le voir en animation parce que je me disais, pourquoi faire de quoi en animation si tu peux le faire en live action? Avec moins cher. Ouais, puis encore là, ça dépend. Hein? Parce que ce film-là, c'est le premier film qu'il a réalisé. Avant, il a travaillé sur un paquet de trucs, mais c'est sa première réalisation. Puis, tu sais, il l'a fait avec un petit budget, là, puis ça paraît pas, là, ça a l'air du... Mais je pense que c'est le studio Malhouse. Ouais. Ou en tout cas. Mais je sais pas si ça a été fait à la fin, mais le premier plan, quand t'as comme les trois fans de le groupe de J-pop, c'est Cham. Ouais. Puis le film ouvre avec une discussion que genre les trois ils discutent des rumeurs, tout ça, mais tu vois les selles d'animation bouger, je sais pas si ça a été fait à la fin, mais tu vois que c'est comme premier impact, c'est pas cool, mais après ça, ça va mieux, là. Mais ouais, je pense que ça aussi, ça m'avait bien gros marqué, au cinéma, ça paraissait vraiment, puis là, t'es comme, ok, c'est-tu genre un film cheap que je suis en train d'écouter, là? Finalement, tu sais, je pense que aussi. Il y a de l'économie, là, mais. Ouais. Y a, mais c'est quand même. Quand l'animation est importante, elle est en tabarnak. Et, même dans la manière qu'il a dirigé, c'est bizarre que j'allais dire, hein, qu'il a dirigé ses acteurs. Mm-hmm. C'est pas des acteurs, c'est des dessins. Mais, Ben, l'acteur qui donne voix, là. Mais je parle vraiment des expressions faciales et tout. Okay. Je sais pas, je trouve qu'il y a une fluidité là-dedans, là, ce qui est incroyable. Puis, fait, c'est une bonne question. Est-ce que, moi, je pense que c'est son médium, l'animation, Satoshi Kon, qui, malheureusement, faut le dire, ça aussi, il est mort très jeune. Ouais, c'est ça, il est mort il y a presque 10 ans. Il est 46. Ouais, puis tu sais, clairement, là, c'était un gars qui avait beaucoup d'autres films à offrir. Mm-hmm. Fait que, tu sais, c'est une énorme perte, c'est pas comme... tu sais, c'est un espèce de réalisateur qui après Perfect Blue, qui est son premier film, qui a continué à faire des films qui est encore meilleur, c'est ça. Puis là, tu fais comme, ok, ce gars-là, il a beaucoup de choses à raconter. Mmh. Fait que c'est vraiment une tragédie qu'on ait perdu ce gars-là. Puis c'était son médium, l'animation. Fait que moi, je suis juste content d'avoir ce qu'on a de lui. Mm-hmm. Puis je suis content qu'il l'ait fait en... découvert. Ouais, je suis content qu'il l'ait fait en animation aussi, parce que surtout vers la fin, c'est tellement fluide, puis c'est tellement... Je sais pas. C'est ça, il y a des bouts un peu fantasmagoriques, mais que Mima, le personnage, plus elle fait de s'investir dans son rôle d'actrice, pour pousser, il suggère, elle fait des scènes osées, pose nue, fait une scène de viol, puis là, on dirait que tout son... Dès le départ, tout son fanbase, il envoie des fax comme... très espieux, tu nous as trahi, tout ça. Puis là, elle développe une espèce de d'autre version d'elle dans son costume de charm, donc de chanteuse de J-pop qui dit « Ah non, moi, je suis encore en vie, puis j'ai fait la bonne affaire, ta-ta-ta. » Fait que c'est ça qui monte tout au long, puis la dualité des personnalités, puis des identités. Parce que, tu comprends que... puis ça aussi, c'est une... Il y a deux critiques sociales qui sont dans ce film-là. Il y a la critique du idol qui, dans le fond, tu sais, c'est manufactured, tu sais, c'est une vedette ou c'est des groupes de jeunes filles, puis c'est vraiment genre tout est scripté, leur vie personnelle est scriptée, avec qui vont sortir, de quoi qu'ils vont parler, les paroles de tout, fait que c'est quelque chose avant les télé-réalités, c'était avant toute notre ère, tu sais, c'est semblable, mettons, pour les Nord-Américains, c'est ce qui pourrait se rapprocher le plus de des boys band, ou des Spice Girls, mais c'est encore plus gros que ça, tu sais. Et fait que ça, c'est la première critique sociale, parce que clairement, tu sais, c'est comme des fausses vedettes, tu sais. Parce qu'elle habite dans un petit appartement de rien, tu sais, elle vit pas une vie glamour, pas en tout. Puis tu vois son fanbase, c'est souvent... Tu sais, ils vendent du rêve, c'est ça. C'est ça. Puis la première scène, c'est ça, c'est son dernier concert à l'extérieur. Mais c'est juste des gars dans le public, là. Exact. Puis, tu sais, il paraît que c'est comme ça aussi. C'est un élément qui est très creepy, mais t'as comme une classe de super fans qui font quasiment partie du spectacle. Parce que, oui, ils sont dans l'audience, mais ils vont caler les paroles au bon moment, puis ils vont envoyer des objets sur scène à telle tonne. Puis, tu sais, c'est comme... C'est quelque chose qui ajoute au spectacle. Mais c'est tout des dudes de 30, 40 ans qui trippent sur... Tu sais, la musique, on peut peut-être faire jouer un extrait, là, mais... Moi, c'est la première fois que j'ai entendu la toune qui chante au début du film, ça me faisait penser au thème de Bumbo. Ah, ok. Bumbo, Bumbo, petit automobile, pis là, okay. On peut peut-être l'entendre. Ça, c'est... Il y a une réplique à deux, clan. Ouais, c'est ça. Puis, fait qu'il y a une critique de cette part-là. C'est pour ça que t'avais pas aimé ça, en tout cas. Ah, c'est peut-être ça, j'étais comme, moi, Bumbo, pas comme là. Ces dudes-là. J'aimerais jamais Bumbo. Puis, la deuxième critique qui est vraiment intéressante, c'est, qui est quasiment prophétique, là. C'est sur les réseaux sociaux, mais c'est à une époque que ça existait pratiquement pas. Non, même le Mima, le personnage, elle se fait installer un Mac, puis tu sais, l'Internet, elle sait pas c'est quoi. Là. Non, c'est ça. Puis ça, avec le recul, tu fais, wow, ça prend un petit coup de vieux, mais... En même temps, le regard était tellement juste, parce que personne pouvait même s'imaginer que tu pouvais avoir une fan page puis des fans qui commentent puis là des gens qui se créent un faux compte qui prennent ton identité puis qui écrivent un blog en prenant ton identité, tu sais. c'est un peu ça qui arrive là, parce que il y a l'idée du stalker, de la personne qui harcèle ou qu'on pousse pour cette idée là de dire que c'est lui qui est en partie derrière les crimes ou les meurtres. Plus tard, on se rend compte que c'est lui qui administre le site. Puis finalement qui prend la personne de Mima puis qui dit aujourd'hui je t'allais à tel magasin, je t'ai tel soulier. Ouais. Puis là t'as la vraie Mima qui est toute détruite puis qui lit ça puis qui alimente sa psychose. Exact, puis c'est très creepy parce que la plupart des choses qui écrit le stalker, c'est des choses qu'elle a faites, c'est juste qu'il donne en plus une voix puis une intention, mais si elle a été s'acheter des choses à telle boutique, ben il écrit ça, fait que là, puis ça, il y a une shot que t'aurais jamais pu faire en live action à l'époque, peut-être aujourd'hui avec un drone ou whatever, mais c'est quand elle regarde par sa fenêtre et la caméra recule en extrême zoom out, cette shot-là, man, est incroyable. Là. Moi, elle m'a donné des frissons quand j'ai réécouté le film. J'ai fait, asti, c'était pas un rang, man. Puis là, tu te rends compte que t'es un point dans une ville puis il pourrait avoir 10 millions de personnes en train de t'espionner en ce moment puis tu saurais pas, tu sais. C'est un feeling, là. Quelle réalisation incroyable. C'est ça, c'est souvent joué là-dessus que quand elle retourne à son appartement, elle fait partie de la mégalopole, ça, mais quand elle est devant les projecteurs, que ce soit avec Cham ou devant les productions télévisuelles, t'as les espèces d'endorphines avec les shots d'endorphines avec le succès finalement, avec, super amplifié par les projecteurs aveuglants. Là. Ouais. C'est ça, puis finalement, bon ben ce stalker là, on comprend que il est super creep, là, évidemment, c'est ça, c'est que il y a une couple de meurtres qui apparaissent, comment ça s'accumule, qui s'accumulent autour d'elle dans son environnement. Puis ben évidemment, on est convaincu que c'est le stalker débile. Puis là, on comprend que finalement, c'est toutes les meurtres qui ont rapport avec sa position d'actrice. Ouais, avec les choix qu'elle prend, avec de casser l'image, la petite fille propre. Exact. J-pop. Et il y a une scène qui est tellement troublante. Puis Christ que c'est bien fait, asti. C'est la scène du viol dans le club. C'est un genre de... Elle tourne une série télé ou un film. C'est ça, puis comme on a dit... Auparavant, c'était de prendre des décisions pour pousser l'actrice, donner plus de temps d'antenne. Ben, il faut qu'elle fasse des trucs plus edgy, fait que fait du nu, fait de la viol. C'est ça. Puis cette scène-là, là, est malade parce que elle joue tellement avec toi, là. De un, tu sens full l'angoisse avant qu'elle commence à tourner parce que là, tout le monde y explique que ça va être hard. Puis là, la scène commence, puis tu fais comme, mais c'est donc bien débile, là, c'ti. Elle se fait fesser, tu sais, c'est comme une genre de stripteaseuse d'un club qui se fait agresser, mais par l'audience, par le public. Puis là, genre, elle commence à se faire fesser, elle commence à se faire arracher son linge, puis là, elle gueule. Puis là, tout d'un coup, tu fais comme, OK, non, c'est la vraie fille qui gueule. C'est inconfortable. C'est elle qui est en train de faire une crise d'angoisse. Puis là, ça fait cut! Parce là, que l'acteur qui est en train de la violer est pas capable de se désespérer, la braguette, là. Pis là, il y a comme une pause, pis y a un gars qui est par-dessus elle. Pis c'est ça, pis il dit, hey, je suis vraiment désolé, pis oh, non, on se connecte. C'est ça. Pis là, tu fais que, OK, c'est vraiment une bonne actrice, parce que j'y croyais, tu sais. Et là, où ça devient encore plus hot, c'est qu'elle fait comme, mais non, mais c'est mon travail, tu sais. C'est correct. Pis là, tu commences à accepter ça, de faire comme, OK, elle vraiment, c'est une méthode acteur, tu sais, elle, genre, elle est full dedans, pis elle va devenir une grande actrice, jusqu'à temps qu'elle arrive à son appart. Pis là, je me rappelle pas qu'est-ce qui arrive, mais genre, elle fait une gaffe, là, genre, une niaiseuse, ou, je pense un de ses poissons rouges est mort, ou un enfant de même. Et là, breakdown total, pis là, tu vois vraiment ce qu'elle ressent pour vrai. Fait que là, tu sais, à travers une scène, on a réussi à tellement virer d'un bord et de l'autre émotivement, faire que, c'est pas cool, non, c'est cool, non, c'est pas cool, non, ok, finalement, c'est correct. Non, d'une part, elle voulait se prouver, elle voulait le faire, elle voulait garder la tête froide là-dessus, puis quand elle est seule, ben, elle a craqué, puis elle a tout ouvert. Ouais, puis je sais pas pourquoi, mais cette scène-là a tellement résonné avec moi que, tu sais, j'ai fait ça, c'est une grande scène de cinéma. Juste tout ça, là, j'ai trouvé ça absolument brillant. Puis tu sais, le breakdown, tu le sens, puis tu sais, elle se parle à elle-même, elle se crie après, puis tu fais comme... Est-ce que ça doit être tough être acteur puis faire des trucs de même, là? C'est bizarrement, c'est là que mon esprit est allé parce que, tu sais, moi, j'ai déjà, genre, été sur des plateaux de tournage de court-métrage ou de moyen-métrage. Puis tu sais, il y en a un qui est avec des sujets moins poussés avec ça. Ben, c'est ça, c'est qu'il y a un film où c'est un film d'horreur puis il y avait quelqu'un d'attaché qui capotait puis quelqu'un qui allait tuer l'autre. Pis tu sais, entre les takes, la fille a débarqué, puis le gars il restait dans son rôle parce qu'il était attaché, puis ça lui faisait mal, puis ça le crinquait. Puis c'était tellement angoissant, juste comme replacer l'éclairage, replacer tout pendant qu'il y avait cette ambiance-là dans le chalet. Tu checkes par la fenêtre, il fait noir. Il y avait quelque chose de genre, je sais que c'est pas vrai, là, mais on est dedans pareil. On se fait comme à croire, comme. Puis, tu sais, jusqu'à un certain point, la fille, il a fallu qu'elle prenne un break, elle est sortie parce qu'elle était comme plus capable. Puis je sais qu'évidemment que dans des films d'horreur, tu sais, les plateaux, ça coupe, puis tu sais, il y a des réalisateurs, tu sais, qui essaient de rendre ça léger, puis de. Mais pareil, tu sais, dans des petites productions comme la série que Mima ajoute là, tu sais, c'est pas vrai que t'as un Jim Carrey ou un J.J. Abrams qui arrête pis qui offre des sandwichs à tout le monde pour détendre l'atmosphère, là. C'est genre, on niaise pas, là, OK? On replace ça, go, go, go! Fait, t'es dans cette émotion-là, pareil. Pis ça doit être extrêmement tough par bout, genre... De couper, de reprendre, de déconnecter, pis le on-off, là. Surtout des rôles comme ça qui sont super physiques. Tu sais, que tu sois investi psychologiquement ou non, ton corps, il crie pareil, puis il gueule pareil, puis tu sais. En tout cas, bref. Il y a une nouvelle série, je pense, de 4 épisodes, je fais une parenthèse, sur Netflix, qui est comme, je pense, The Movies We Grew Up With, ou quelque chose comme ça, puis ils ont fait Die Hard, Ghostbusters, puis il y en a un, c'est... Gremlins. Non. Patrick Swayze avec la danse. Dirty Dancing. Dirty Dancing. Ouais, voilà. Puis, tu te rappelles la scène à la fin où Patrick fait un saut de l'ange, puis il fait un gros saut, puis il continue à lancer. Ouais. Et tu sais, ils l'ont fait plein de fois, mais ils se pétaient le genou, puis c'était comme... Puis à un moment donné, il dit, OK, je t'en fais une dernière, mais une bonne. Puis c'était la shot, là. Ouais, ouais. Excuse-moi, ça m'a juste fait penser à ça. Ouais, ouais, c'est drôle. Ah ouais. Mais en tout cas, bref, c'est très, très, très puissant. Et là, ce qui est incroyable, c'est que là, plot twist, tout ce temps où on pense que Mima, dans le fond... C'est notre cœur. C'est ça, qu'elle est en psychose, qu'elle a un problème d'identité. Bon, c'est non, non, non, non. Non, non, non, non. Tu découvres que c'est son amie et agente. I guess, c'est comme son agente, sa conseillère. Genre. Non, c'est l'agente. Ouais, c'est son agent. C'est l'agente qu'on découvre plus tard qui était, ou en tout cas, subtilement, qui, dans le passé, elle avait eu son moment de gloire en tant que chanteuse. Ouais. Puis que c'est pour ça qu'elle voit un peu avec plus de recul, puis elle dit, non, tu feras pas la scène de viol, non, tu feras pas ci et ça. Fait quoi? Ouais, elle l'accompagne, mais, des choses mystérieuses. Ouais, puis là tu découvres que finalement, tu sais, ça serait probablement elle qui est à la source des meurtres parce qu'elle se projette dans Mima, puis elle veut être Mima, puis elle veut pas que Mima soit une actrice de cul, puis elle veut que Mima soit la pop idol qu'elle a jamais été. Donc elle venge en attaquant les gens qui font ça, soit le réalisateur ou soit le photographe qui prend des trucs nus, mais encore une fois, tout ça, il y a jamais de vraie réponse ou de réalité, ça reste la suggestion. Mais c'est là que je trouve ça fascinant, parce que finalement, à travers cette confrontation-là entre l'agente et Mima, l'agente se transforme complètement en Mima, parfois, des fois, capable même de voler, puis là, t'as vu dans la réalité qu'elle rush au bas, elle rentre à peine dans son costume, puis laisse-moi juste aller là, puis finalement, elle meurt, se ramasse à l'hôpital, et quelques mois ou même peut-être des années plus tard, se fait visiter par Mima. Puis là, Mima est dans son auto, puis elle part, puis là, le film finit comme ça. Mais là, t'es comme, mais ça se peut pas. Parce que comment, pourquoi elle était dans ce délire psychotique-là si dans le fond, c'était l'autre? Tu sais, si toi, t'es schizophrène, moi, je vais pas... halluciné que toi, t'es moi. Fait que c'est ça que je trouve magnifique. Ouais. C'est ça que je trouve incroyable de nous donner une explication, mais cette explication ne fonctionne pas. Tu sais. C'est pas une explication, c'est plus une finalité. Mais là où ça devient intéressant, puis c'est là que mon cerveau roule, puis là je suis comme, OK, mais dans le fond, est-ce que Mima et l'agente, c'est la même personne? Est-ce que... Non. Il y a trop d'interactions avec d'autres gens présents aussi. Mais en même temps, à quoi est-ce qu'on peut se fier qui est réel ou pas, tu sais? On peut s'imaginer à la limite que c'est un bad trip psychotique puis que c'est juste quelqu'un qui veut quelque chose d'autre de sa vie puis que ça y pèse sa conscience comme un espèce de cauchemar qui prend forme réelle. On peut aussi s'imaginer que à la fin, tu sais, que en tout cas, je sais pas, parce que techniquement, ça ne fonctionne pas si Mima et l'agente ne sont pas la même personne et que Mima va visiter son agente à la fin. Mm-hmm. Mais pourquoi est-ce que Mima se verrait dans la glace comme quelqu'un d'autre? Pourquoi elle aurait des discussions avec elle-même? Pourquoi est-ce qu'elle s'imaginerait qu'elle est en train de tuer quelqu'un pour finalement se rendre compte que, ah non, elle est juste sur un plateau de tournage? Tout ça, ça marche pas, tu sais. La majorité du film ne fonctionne pas si c'est ça la conclusion. Puis c'est comme, moi, ça me fait capoter, ça. Je trouve ça brillant, tu sais. C'est drôle parce que juste avant, la semaine d'avant, j'avais écouté, on avait un problème d'Internet. Fait que j'ai fait comme un animal, puis j'ai mis des DVD. Ben oui! C'est ce que j'ai fait. Comme un homme des cavernes. Ben oui. Puis, un des DVD qui traînait dans mon bureau, c'était Mulholland Drive. Hein? Quel bon film. Excellent film. Puis la fin, c'est un peu semblable dans le sens que, à la fin, t'es c'est drôle, je pensais à ça, sans parler, mais quand on commençait il y a quelques minutes, puis je me rappelais que David Lynch expliquait où c'était peut-être un de ses films plus récents du temps ou plus populaire, puis les gens étaient peut-être moins habitués à son style de cinéma, puis il disait, non, je te donnerai pas de réponse, mais tu sais, je vais te donner 10 questions, genre. Ouais, c'est ça. Ouais, exact. Puis c'est dans le fond, ce que les deux ont en commun, c'est que la fin est complètement déstabilisante. Puis elle dit tout ce que tu viens d'écouter, tu peux pas te fier à ça. Mmh. Tu sais. Fait moi je trouve ça magnifique. T'as-tu quelque chose à dire là-dessus ou je peux tout de suite aller à un autre point? Ça va, en fait, ben c'est ça, ça revenait à la participation de l'audience, puis pas d'être passif, puis de... Toi, comment tu perçois la fin? Attends, je vais aller me chercher une bière. Tu veux que je t'en ramène une? Interlude musical. Voici M. Sage avec la pièce « Michigan turquoise ». Thank you. ouais, c'est ça. À quel point tu voulais. Qu'est-ce qui arrive à la fin, d'après toi? C'est quoi ton interprétation? Même si on s'entend que c'est pas important si on a raison ou non. Ce qui est important, c'est plus la réflexion puis le vivre émotivement. Non? Moi, je pense que Mima arrive à se dégager de tout ce poids-là puis de tout ça. Embrouillage qu'il y avait dans sa tête. Et son agente fait partie de quoi dans cette histoire-là? Est-ce qu'elle a tué du monde pour vrai puis elle se ramasse à l'hôpital psychiatrique pour vrai? Ça ramasse-là, oui, clairement. Donc, c'est... Mais je sais pas si elle est à l'origine de toutes les meurtres. Donc, c'est quasiment un hasard que la confrontation finale, elle l'hallucine comme son double et que Rumi... Et elle s'appelle la Rumi, oui. Se déguise en elle, c'est comme quasiment une coïncidence ou un hasard, genre. Je pense comme comment je le vois, c'est que Mima a imaginé son sa version dupliquée en mode J-pop dans sa tête, puis qu'ensuite Rumi arrive elle-même qu'il personnifie physiquement cette entité-là. Mm. Mais c'est ça, c'est comme un hasard. Que... Ben, il y a comme les deux en même temps. Ouais, c'est ça. Ouais. Okay. Hmm. Ça vient mêler encore plus. Ouais, ouais. Mais j'aime cette interprétation-là aussi. J'aime les deux. Mm-hmm. J'aime le fait qu'il y ait des choix multiples, tu sais. Qu'il n'y a pas de réponse. Qu'il n'y a pas de réponse claire. Exact. C'est ça. Une des affaires qui m'a fait capoter, puis ça, c'est drôle parce que à l'époque de la cave, de la vraie cave, quand on écoutait des films dans ta cave, tu m'avais fait un... Fait qu'on l'a jamais écouté ensemble dans le temps. Je pense que non, même. Ouais. On en a parlé ensemble, mais... C'est pas un film de groupe. Non, c'est un film écouté... C'est pas un film de date, de première date. Non, c'est un film écouté dans le noir avec des écouteurs. C'est vraiment, là, c'est ça le best. C'est ça ce que j'allais dire, c'est... Tu m'avais fait un CD de musique, mix de plein de musiques d'anime, dont Yoko Kanno, Songs to Fly. Oui, qu'on a déjà parlé. Et t'avais mis la toune de Perfect Blue là-dedans. Donc, j'ai toujours associé la toune de Perfect Blue. Je parle du moment... Le thème ambiant anxiogène. Ouais, exact. Okay. Le bout de Psycho, là. Donc, j'ai tout le temps pensé que c'était Yoko Kanno qui avait composé ça, ce qui est pas le cas du tout. Okay, okay, oui. Puis ce qui est bizarre, c'est même en sachant que j'ai pas raison, je suis comme, mais ça aurait pu être elle qui a composé ça. ça aurait fûté. Ouais. Mais ce thème-là est malade dans la tête. Ouais. Quel beau thème qui représente tellement l'émotion de la fille puis sa psychose. Ben, c'est des voix humaines comme... multiplié puis en plusieurs couches. Puis il y a de la, tu sais, c'est atonal qu'on dit, ouais. Tu sais, c'est ça fausse quasiment par moment, là, ça s'en va pas en même place, des notes qui sont joints que jamais. C'est vraiment là, c'est ça. Puis le film l'utilise vraiment avec parcimonie, c'est des fois de courts moments, des fois un peu plus agrémenté avec d'autres instruments, d'autres arrangements plus présents. Ouais. Pour les collectionneurs ou audiophiles, il y a l'édition vinyle de la trame sonore qui est sortie. Huh. Puis je pense qu'ils ont pris le bon choix, même si ça fait partie du film. Ils ont délaissé, ils ont pas mis les tunes de J-pop pour que ce soit plus cohérent comme expérience. Parce que celle-là aussi, mais ça je pense pas que c'est toi, je pense que c'est G m'avait mis ça. C'était « Nami, Nami, nananana, nanana, boumbo, boumbo, nananana ». Et cette tune-là, d'ailleurs, est réutilisée dans une des scènes de meurtre de la manière la plus creepy du monde, sur la petite radio, mais jouée au fond que les speakers sont pas capables. Ouais, ça griche. C'est ça. Ça sort d'un ascenseur. C'est ça, le sound design de ça est brillant. Ça, pour vrai, ça fout à la chienne, d'entendre la tune la plus joyeuse et enfantine dans ce contexte-là. Mm-hmm. C'est quelque chose qui pourrait facilement être cliché, puis pourtant, genre, quand que ça arrive, c'est super creepy. Et la dernière note que j'avais sur la musique, c'est la toune du générique. Qu'est-ce que tu penses de cette toune-là? Et à quel point penses-tu que c'est un choix volontaire ou qu'est-ce que ça en pense? Ben pour mettre en contexte, c'est ça coupe, c'est tout de suite une autre toune très pop la vie et tout. C'est pas du J-pop. Non, mais c'est du... C'est pub de pain blé entier. Exact, c'est une pub de... Ouais, c'est ça, de centre d'achat, genre, c'est ça. Un peu, là. Mais je pense que ça rejoint l'espèce de moule de production, parce que c'était la même chose qu'avec Audition. Exact. Ça coupe, pis t'as le gros stun pop général. Moi, c'est exactement à ça que j'ai pensé, pis j'ai fait, tu sais, comme... tu sais, le cinéma au Japon, ce qui est malade, c'est que c'est super... Le cinéma japonais est super populaire au Japon. Mm-hmm. Les plus gros box-office sont des films japonais, là-bas. Ouais. Ce qui est pas le cas de tous les pays. Tu sais, ici, c'est pas les films québécois qui pognent le plus. Hein. Fait que ça, c'est hot, mais ça veut dire aussi qu'il y a un certain... Il doit y avoir certaines règles non dites. Exact. Que genre, tu mets la toune de tel artiste à la fin pour mousser ton film. Exact. Puis clairement, il y a ça. Genre, c'est sûr que dans le contrat de production ou whatever, t'es comme... Quand le film finit, on veut que les gens soient contents dans la salle. On veut pas, genre, qu'ils soient creepy out, pis qu'ils aient peur ou dans le noir. Ou que ça leur appartient plus, pis qu'ils doivent, comme, plugger tel artiste. Ouais. Pour vendre plus, je sais pas. Ouais, je sais pas. Puis l'artiste dit, ah, j'ai la toune de la fin dans tel film, mais je l'ai jamais vu, genre. Ouais, c'est ça. Ouais, peut-être. Ouais, c'est vrai. Ou, tu sais, comme, moi, ça me fait penser, quand j'ai découvert les animations japonaises, les cartoons japonais à l'Université Laval, je ne comprenais pas le trip des intros. Je suis comme content de pas avoir écouté Perfect Blue dans ce contexte-là. Mais ce que je veux dire par les intros, je parle de shows d'animation japonaise, pas nécessairement de films, mais les shows télé. Fait qu'à l'époque, j'avais pas vu grand-chose, j'avais vu des films, donc il y a pas d'intro. Je parle vraiment de l'opening, là, avec le générique du début, là. Comme Kenshin, Slayer. Exact, exact. Fait qu'à l'époque, j'avais pas vu beaucoup d'animations japonaises, puis ce que j'avais vu, c'était soit des films, mais sinon, j'avais écouté Lord of War, qui est un intro full symphonique, orchestral, puis ça fit au bout dans le ton un peu Dungeons & Dragons. Et j'avais vu Cowboy Bebop, qui c'est encore là, un intro. On a découvert ça là-bas, là, ouais. Puis là, après ça... Mais il y avait rien qui clash. Puis là, après ça, tu sais, comme souvent, on arrivait au milieu d'un show dont on avait manqué l'intro. Puis la semaine d'après, on voyait l'intro, puis c'était tellement choquant que tu faisais... Mais ça se peut pas que ce soit le même show. Je pense justement à Kenshin. Je pense à Berserk. Berserk, c'est le pire, merde. C'est le show le plus dark. C'est du dark fantasy. Fait de un... Le pop a pas rapport dans cet univers-là. Puis là, check ça, le lien que je vais faire avec Perfect Blue, c'est malade. Mais l'intro, c'est comme une petite toune, genre pop alternatif, full joyeux. Puis c'est comme un photomontage de Guts qui fait des clins d'œil à la caméra, qu'on dirait qu'il fait un photoshoot pour un magazine de petites filles. Puis là, c'est que, qu'est-ce que c'est ça? Fait que clairement, c'est une convention du Japon qui sont comme... Oui. Pour ton intro, je pense Neon Genesis Evangelion, tu sais, ça s'est arrêté... Part de Astro, de Avatar, de tout ça, je pense ils ont monté dans... T'as 24 secondes pour faire une tune catchy d'intro qui va être répétée, peu importe quoi ton sujet. Là. Exact, puis, tu sais, il y a une industrie autour de ça, fait que on va faire des shows, on va faire de la promo, on va la jouer avec un band avant, genre le... Ouais. J'ai besoin d'une version de 5 secondes, de 15 secondes, de 20 secondes pour une terrible. Fait que bref, je trouve que la toune du générique me fait vraiment penser à ça, mais le lien entre Berserk et Perfect Blue, c'est quoi? Hey, là, attends un peu. Je veux juste dire le bon nom pour pas me tromper. Qui fait quoi? Qui a fait quoi? OK. Alors à la maison, on vous invite à jouer au jeu et deviner quel est le lien. C'est Susumu Hirasawa. C'est le même compositeur. Exact. C'est lui qui a composé la trame sonore de Berserk et pas de Perfect Blue. Mais de tous les autres films de Satoshi Kon. Qui sont venus après. Exact. Dont Tokyo Godfathers, Millionaire Actress et Paprika. Oui, Paranoia Agent aussi. Oui. Donc on a dit que Satoshi Kon c'est un visionnaire qui a laissé sa marque. Je pense que plus. Paprika, ça fait longtemps que j'ai vu, mais je pense que ça a vraiment influencé Christopher Nolan. Ben oui, avec c'est... Inception, ben oui, c'est clair, c'est clair. Puis tu sais, il y a même, j'ai vu un. Tu sais, sur Tumblr, des fois, t'as des montages de gifs ensemble. Là. Uh-huh. Pis c'est comme trois scènes d'Inception, trois scènes de Paprika, pis c'est les mêmes couleurs, c'est les mêmes... C'est ça. Compositions d'image, okay. Tu sais, c'est vraiment... Pis malheureusement... Rendu là, est-ce que ça déborde de l'hommage? Ben, c'est ça, c'est que je sais pas c'est quoi la position de Christopher Nolan. Mm-hmm. On dirait que, bizarrement, je sais qu'il y a pas vraiment de logique derrière ça, mais on dirait que si un auteur l'assume, on dirait que j'y donne... Mm-hmm. Mais c'est quand que c'est genre, oh, j'ai jamais vu ça. Tu sais, comme le Roi Lion avec l'œuvre de Tezuka, là, le Roi Léo. Je trouve que ça m'agresse pis ça m'insulte qu'il fasse comme, ah, non, on n'a pas rien c'est à voir avec gros, ça. Là, c'est évident, pareil, là. Ça sent même affaire. Ouais. Tandis qu'un auteur qui va dire, oui, oui, c'est je capote sur Paprika, je me suis full inspiré de ça pour Inception, même si c'est plan par plan pareil, on dirait que je suis comme, ah, c'est cool, tu sais. Je sais pas pourquoi. Mais oui, Susumu Hirasawa. OK. C'est un personnage, merde, ce gars-là. De un, il y a pas un compositeur qui ressemble à ce que ce gars-là fait. Mm. Ça a aucun bon sens, quand même, que c'est original et weird et unique comme son. Moi, j'ai tout le temps pensé que c'était un compositeur comme... instrumental, puis que la voix c'était quelqu'un d'autre qui engageait, mais non, c'est lui qui chante et il chante en tabarnak, il se donne mon gars là. Puis le gars, c'est en me renseignant un peu sur lui, c'est vraiment un phénomène au Japon. C'est quelqu'un de super, c'est un gars super engagé politiquement, mais aussi qui est très expérimental dans comment il se présente. Fait qu'il va jouer, il va faire des concerts. Très excentrique. Très excentrique, en même temps, très spirituel aussi. OK. Pis tu sais, il y a des clips sur YouTube de ce gars-là où il fait un show, pis en fait, c'est qu'il active pis il désactive des sons avec des lasers. Wow. Fait que c'est super weird. OK. Pis il y a un gros reverb sur sa voix, pis tu sais, c'est une voix très, très forte pis qui va vraiment en haut. Pis c'est vraiment impressionnant de l'entendre. OK. Fait qu'il a indiqué à son nom, il fait pas que oh, il y a beaucoup, beaucoup de disques, là. C'est un gars qui produit depuis, oh my god, qui produit depuis les années 80, là. T'sais, il est super prolifique. T'es rentré, comme dans ça, son œuvre, pis t'es baigné dedans. C'est parce que j'ai toujours aimé la musique de Berserk. Mm-hmm. Pis, quand j'ai découvert que Satoshi Kon, après Perfect Blue, a uniquement travaillé avec ce gars-là, je me suis comme plus attardé, j'ai fait quel bon fit, parce que c'est un son qui est tellement dur à décrire, c'est comme un peu un rêve, tu sais, t'entends ça, t'es pas capable de faire comme ben c'est du symphonique avec la guitare électrique, non, c'est comme je sais même pas c'est quoi le son, puis c'est pas du rock, puis c'est pas du prog, puis c'est pas du classique, c'est on reconnaît sa marque là. Mais on le reconnaît tout de suite. Puis j'ai écouté au complet. Moi, je m'embarque dans un marathon Satoshi Kon à cause que Perfect Blue m'a jeté à terre. Fait que j'ai réécouté au complet Paranoia Agent. La série télé de 13 épisodes. Qui exactement. A fait avant Paprika. Oui, c'est en fait c'est après Millennium Actress qui a fait ça. Ok. Donc. Et j'ai capoté, mais je me tapais l'intro à chaque épisode, pis l'intro, man, c'est, je t'en montrerai tantôt, mais tu peux pas, une fois que tu la vois, tu peux pas l'oublier. C'est ça laisse une marque, là, dans ta tête. Je vais t'en montrer tantôt, c'est assez incroyable. Avec la toune, pis ça part, c'est un gros boom. Pis bref, je trouve que c'est un fit parfait. Fait que là, ce qui s'en vient, c'est je me tape Millennium Actress, après ça Tokyo Godfathers et en terminant Paprika. Puis malheureusement, il y a rien d'autre après. C'est ça qui est tragique. Savais-tu que c'était un assistant pour Katsuhiro Otomo sur Akira? Ben, je sais que Katsuhiro Otomo a été impliqué dans Perfect Blue. Ah oui? Je sais pas à quelle mesure, mais... OK. Ben, parce que... Je sais qu'il y a un lien. I guess qu'ils ont travaillé ensemble sur Memories. Attends, Otomo, y a-tu rapport avec Memories? Ben oui, Otomo, ben, il a fait un segment dans Memories. Oui. Ouais. Un triptyque intéressant. Ouais. Puis je pense qu'il a co-réalisé avec Mamoru Oshii. C'est le segment dans l'espace là, avec la fille Butterfly, là, Madame Butterfly. Là. Mm-hmm. C'est vieux. Ouais, c'est ça. Ouais. faudrait le réécouter, mais ça, c'est un autre épisode de la cave, c'est sûr. Excuse-moi, là, j'ai parlé beaucoup. Oui. Je vais te laisser... Pose-moi une question. OK. OK. Est-ce que je sais qu'il y a une version en prise de vue réelle de Perfect Blue qui a été faite au Japon, que j'ai jamais vue. OK. Qui n'a pas l'air si attrayante ou bonne. Live action. Ouais. Hmm. Mais tu verrais-tu un remake ou comment... Ben, comment verrais-tu ça? Ben, honnêtement, avoir écouté le film une couple de semaines, toi, tu l'as écouté encore plus récemment que moi. Je trouve que ça vieillit parfaitement. Mm-hmm. Tu sais, ça paraît pas qu'il y a 20 ans, ce film-là. Mm-hmm. Tu trouves-tu ça bien vieilli, toi? Oui, oui. Ben, comme on disait tout à l'heure, c'est juste par rapport à la production qui est un peu limitée, mais c'est pas une question d'année. Puis encore là, il était moins assisté par ordinateur aussi, fait que c'est plus traditionnel. Avec le DVD nord-américain, j'ai réécouté des entrevues de les acteurs américains. Ouais. C'est intéressant parce que celle qui prend sa voix à Mima a dit que pour différencier justement ce qu'il appelle la Mima virtuelle, comme qui reste dans son costume de J-pop fantôme un peu, ils ont enregistré toutes les voix du film au complet de ce personnage-là, puis ensuite sont revenus puis ont fait la Mima troublée du réel pour rester dans le personnage. Ah ouais, c'est vrai. Est-ce que t'as remarqué, parce que je vais être honnête, là, j'ai écouté un paquet de vidéos après d'avoir vu le film qui analyse Perfect Blue, mais il y a plein d'affaires que j'ai même pas remarqué. Est-ce que t'as remarqué... Non, c'est un film qui gagne à être écouté. Ouais. Est-ce que c'est ça, t'as-tu remarqué de quoi, genre, au niveau de la couleur, la progression de couleur? Que ça va de plus en plus sombre. C'est qu'il paraît que à chaque fois qu'il y a du rouge, ça veut dire qu'il y a une présence de folie. Et quand il y a beaucoup de rouge, c'est que elle est complètement dans le délire. Ouais. Honnêtement, tu sais, comme j'ai vu cette vidéo-là, puis là, j'étais comme merde, c'est normal malade. En réécoutant le film, ça s'applique pas n'importe où, donc je sais pas à quel point. C'est voulu ou c'est juste comme... Ça, c'est pas son rouge et blanc. Ouais, il y a ça. Puis il y a une séquence qu'un gars a analysé sur YouTube qui... Écoute, je sais pas trop quoi en penser. Là. Si c'est voulu de l'auteur, t'es comme, wow, quel travail. Mais c'est une des premières séquences où elle est dans son appartement puis elle parle à sa mère au téléphone. Mmh. Le bain coule. Ouais, puis elle fait couler son bain en même temps. C'est que si tu te fies à la théorie des couleurs... Il y a des parties de la conversation qu'elle a avec sa mère qui sont imaginées et il y a d'autres parties qui sont réelles. Donc la partie qui est réelle, c'est sa mère qui demande pourquoi elle a lâché le groupe là. Ouais, exact. Ouais. Puis la partie imaginée, c'est comme sa mère qui demande comment elle va, puis si elle est correcte, puis là finalement tu sais comme je vais raccrocher parce que mon bain est cool ou whatever. Puis là je suis comme ok man, si ça c'est vrai puis cette théorie là elle est pensée dès le départ, c'est poussé en tabarnak dans l'inconscient. En même temps, c'est le genre de truc que Satoshi Kon pourrait faire, ça me surprendrait pas, mais c'est subtil là, puis c'est comme chercher loin puis chercher des réponses. Ben, on est dans le... Voyons, c'est quoi le mot que je cherche, là? Sur-analyse. Non, tu sais, le subliminal, en fait. Oui. Si c'est vrai, là. Si c'est vraiment... Donc, tu sais, c'est l'effet subliminal d'associer, tu sais, comme... les gars, quand ils trippent sur Mima, pis qu'ils disent qu'elle est cool, bon, ben, ils sont assis sur un banc rouge. Tu sais, des affaires de même. Écoute, j'ai pas réécouté le film au complet en, avec ça en tête, mais je serais curieux de voir si vraiment ça marche, là, mais peut-être, je trouvais ça intéressant quand même. Ouais, ça peut être fait à parcimonie aussi. Ouais, que des, ben des oui. fois c'est là, des fois c'est pas là. Puis ben oui, tu sais. Inventer des théories sur Internet. Hey, le film là sur Shining, là, de toutes les théories et les conspirations qu'il y a autour de ce film-là, ce qui est fascinant pour moi, c'est que même si c'est pas voulu par l'auteur, une fois que le film est sorti, ça appartient plus vraiment à l'auteur, ça appartient aux fans. Et de voir qu'il y a des fans qui vont voir tellement de layers à travers ça, qui vont tellement l'analyser, ça y donne comme une autre vie, là, ça y donne une autre dimension. Mais fait que je trouve ça intéressant, mais faut juste pas que ça dénature le vrai original, là. Ouais, que ça aille ailleurs. Ouais, exact. C'était comme, puis un autre commentaire que j'ai vu revenir souvent, c'est à quel point ce film-là était pour un film qui parle de ce type de sujet-là, à quel point il était féministe, parce que c'est vrai, c'est beaucoup de personnages clés féminins. Exact. Puis ça démontre aussi la nature un peu dégueulasse du male gaze, autant dans son groupe de pop idol que au cinéma. Les deux points de vue, tu vois que l'homme consomme la femme comme comme un objet, comme une marchandise. Non, c'est comme j'avais dit qu'au départ le film ouvre sur la prestation à l'extérieur, puis c'est principalement juste des jeunes qui sont à l'extérieur, puis après ça va faire ses premières productions télévisuelles, puis là je me disais voyons, on est juste entouré d'hommes, puis finalement un petit peu dans l'équipe je voyais quelques personnages féminins, mais c'était très c'était très inférieur là, à part Rumi, la jante qui ouais. qui est comme l'autre personnage central là. Ouais. Moi je pense que c'est tout, je sais pas si tu avais d'autres choses à... ça va Là, je le recommande chaudement. OK. Là, est-ce qu'on met deux tounes ou on en met juste une? Non, ben j'ai oublié la toune du milieu. OK. Ben on va écouter ta toune, mais juste avant, vu qu'on va pas mettre ma toune à moi, je veux juste dire c'est quoi pour que les gens aillent l'écouter sur YouTube. C'est qu'en fait, j'ai commencé à écouter un podcast qui, malheureusement, ça me fait chier parce qu'il y a juste un épisode, mais c'est fucking brillant. Le podcast s'appelle Get in the Fucking Robot Shinji. Puis c'est deux vieux chums. Un qui est maniaque d'Evangelion. Okay. L'autre qui a jamais écouté Evangelion. Pis c'est quoi, ils racontent à Marionette? Non, c'est que en fait, vu qu'ils sont ressortis sur Netflix, son chum va se taper quatre épisodes, puis en parler ensemble. Wow. Puis après ça, quatre autres épisodes, puis en parler ensemble. Wow. Mais l'autre gars, c'est pas un fan d'animation japonaise. Okay. Mais les deux sont super articulés. C'est des chums, fait qu'ils rient souvent ensemble. Puis ils sont... OK, fait qu'ils vont pas lâcher. Là. Ils vont continuer. Malheureusement, le dernier épisode, il est genre... Ça fait vraiment longtemps, là. Je pense qu'il est 2018. Fait que je suis comme, ah, OK, ouais. C'est le premier épisode. OK, il y a peut-être, ouais. Puis, ils ont un autre projet aussi de podcast. Fait que j'ai l'impression que ça a pris plus de place. Okay. Puis, malheureusement. Mais c'est quand même 2h30 qui analyse pour les quatre premiers. Wow. Exact. Puis, vu que le gars qui a aucune idée c'est quoi cette histoire-là, ben, ils ont comme un running gag qu'à chaque fois que Shinji écoute de la musique, le chum, il s'imagine qu'est-ce qu'il écoute. Et à chaque fois, c'est une toune de Kenny Rogers qui a rapport avec l'épisode. Puis il sort quatre tounes. Wow. C'est vraiment impressionnant que les paroles font des liens full avec l'épisode. Okay. Donc, ce que je voulais conseiller comme toune, c'était la toune Lucille de Kenny Rogers. Okay. Allez écouter ça, c'est vraiment intense comme tune. Non, bon, on finira avec ça puis on va se faire actionner. OK, c'est bon. À la prochaine. Bye. Bye. In a bar in Toledo, across from the depot, on a bar stool, she took off her ring. Thought I'd get closer, so I walked on over. I sat down and asked her name.